c'est vrai qu'il se fait tard et qu'il faut fermer l'Orphéon. L'heure n'est plus à l'orage des amours et pour la romance. Nous avons dépassé l'âge de la chanson et de la danse. Paris fait trop d'odeur. Viens mon amour, allons au port. Nous regarderons tout d'autres loin. Sur un vieux mot petit manoir d'Alexandrie à Bornéo. Partout tous ces journaux à beau d'Alexandrie à Bornéo. Partout tous ces journaux à beau. Avec Marinette ou Sylvie, nous nous traînons dans la nuit. Mais il faut se lever quand même. Nos dernières amours s'enfuient en nous murmurant je vous aime. Partout il fait trop beau. Viens mon amour, allons au port. Nous regarderons tout d'autre loin. Sur un vieux mot rutier malouin d'Alexandrie à Bornéo. Partout tous ces journaux rimbaud d'Alexandrie à Bornéo. Partout tous ces journaux rimbaud. Ces vieux gamins qui nous ressemblent et pleurent dans leur mansarde les jours anciens qui allaient lents. Partout il fait trop beau dehors. Viens mon amour, allons au port. Nous voguerons tout de très loin. Sur un vieux mot rutier malouin d'Alexandrie à Bornéo. Partout tous ces journaux à beau d'Alexandrie à Bornéo. Partout tous ces journaux à beau. C'est vrai qu'il se fait tard et qu'il faut fermer l'Orphéon.